Tout de suite ce matin, il faut parler d'un nouveau miracle de la chirurgie, un miracle français. Un chirurgien de Lyon a en effet réussi une greffe extraordinaire. Il a réalisé, écoutez bien, la transplantation de la main droite paralysée de son patient à la place de la main gauche qui avait été coupée, elle, dans un accident. Cette greffe avait été opérée voici un peu moins d'un an, le 23 octobre 1974, par le docteur Roulet à la clinique Charcot à Sainte-Foy-lès-Lyon. Et aujourd'hui, le patient peut utiliser presque normalement sa main greffée. Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Karl Hermann Untan est né sans bras en 1848. À l'âge de 6 ou 7 ans, il a découvert par hasard la possibilité de jouer du violon avec ses pieds, en fixant l'instrument sur une caisse posée au sol. Un jour qu'il se produisait à Budapest, Franz Liszt est venu le féliciter en lui tapotant la joue et l'épaule. Mais une cinquantaine d'années après ses compliments, Untan écrivait « Qu'est-ce qui me fit douter de la sincérité de son enthousiasme? Qu'est-ce qui me le fit paraître factice ?» Le philosophe Peter Sloterdijk commente « Ces questions, rédigées un demi-siècle après la scène décrite, avaient la signification d'un symptôme. Elles rappelaient à l'auteur un temps lointain dans lequel l'illusion qu'il pouvait être pris au sérieux comme musicien et non comme curiosité ne s'était pas encore éteinte. » Liszt n'aurait donc pu être sincère parce que le spectacle que lui donnait le violoniste n'aurait pas été vraiment de la musique, plutôt la situation débordée par l'image de l'infirme qui dépasse sa condition. Sauf que le virtuose est dans une tension peut-être comparable. Peter Sloterdijk ajoute « Liszt, lui-même ancien enfant prodige, savait par expérience quelle sorte de vie attend les virtuoses de toute nature et il devait d'autant plus deviner ce qui attend un jeune homme qui parcourra le monde en tant que vainqueur d'un caprice de la nature. » Maintenant, quand on écoute un musicien qui joue une œuvre pour la seule main gauche, est-ce qu'on écoute simplement la musique ou l'effort qu'il a dû produire pour compenser la non-intervention de la main droite jusqu'à l'émotion du dépassement de soi ? Même s'il est valide de ses deux mains, le pianiste Maxime Zecchini s'est lancé depuis quelques années dans un défi, enregistrer 10 albums de musique pour main gauche seule, pour célébrer le répertoire pour main gauche. Mais avant de l'écouter, nous allons faire un détour par un autre pianiste chinois sans bras, Liu Wei, qui est venu sur le plateau d'Incroyable Talent jouer du piano, mais avec ses pieds. On entend un public qui comme renforce ses applaudissements du fait de ce qu'il a vu, peut-être davantage que du fait de ce qu'il a entendu. Ce qu'il a vu, c'est donc Liu Wei, ce pianiste sans bras qui, sur le plateau d'Incroyable Talent chinois, joue ce morceau avec ses deux pieds. Sans transition, bonjour Maxime Zecchini. Bonjour David. Alors, vous jouez, vous, du piano, vous êtes valide de vos deux mains, mais vous vous êtes dédié au répertoire pour main gauche. Qu'est-ce que vous entendez alors quand vous entendez ce Liu Wei ? Eh bien, j'entends beaucoup de courage, de détermination de sa part. Voilà, on sent qu'il a été habité par la volonté de pouvoir s'exprimer à travers le piano. Et apparemment, voilà, aucun obstacle n'était assez grand pour lui, pour l'empêcher de pratiquer sa passion. Donc, c'est voilà, beaucoup de courage, de volonté et d'admiration face à un tel travail. Le répertoire pour main gauche seule est tout de même dominé par une figure qui est celle d'un pianiste qui était bien infirme. Alors lui, pas de naissance, mais suite au combat, à la guerre, il s'agit de Paul Wittgenstein. Oui, Paul Wittgenstein, vraiment un pianiste emblématique du début du XXe siècle, qui a perdu son bras droit à la guerre. Voilà, pendant la guerre de 14-18, et qui a décidé, malgré tout, à son retour à Vienne, en Autriche, de continuer sa carrière de pianiste virtuose, commencée avant la guerre. Et donc, il a commandé, grâce à sa fortune personnelle, des œuvres aux grands compositeurs de son temps pour la seule main gauche. Et alors, évidemment, il y a une partition particulièrement célèbre parmi toutes celles qu'il a pu commander. Il s'agit du concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, dont il est donc le dédicataire. Tout à fait. Et alors, il y a beaucoup d'histoires à travers cette œuvre. Par exemple, il trouvait le concerto trop moderne, il trouvait qu'il y avait trop de notes, que c'était trop difficile à exécuter. Si bien qu'on a une correspondance de lettres entre les deux hommes, et c'est assez amusant parce qu'on voit sur la partition originale de Ravel des ratures en rouge que Wittgenstein a fait, où il barrait en fait certains passages, où il trouvait que c'était trop chargé, voilà, qu'il y avait trop de notes. Et Ravel, évidemment, était furieux, parce que pour Ravel, chaque note avait sa place et était nécessaire à un endroit très précis. Et donc, Wittgenstein lui disait, mais c'est moi qui décide, puisque c'est moi qui paye. Et alors vous, Maxime Zecchini, vous avez quand même le sens de la prouesse, puisque vous avez fait une version de ce concerto, vous avez mangé l'orchestre en quelque sorte, vous avez fait une transcription du concerto pour la main gauche, mais incluant la partie orchestrale. Oui, en fait, c'est le morceau le plus connu du répertoire pour la main gauche, et j'ai pensé que c'était une bonne idée d'avoir ce morceau à mon répertoire pour les concerts. Et donc, je me suis dit qu'il serait peut-être possible de faire une transcription pour main gauche de cette pièce en réunissant dans la seule main, dans une seule main, la partie d'orchestre et la partie solo. Et voilà, ça m'a demandé beaucoup de travail. Voilà, j'espère être le plus fidèle possible à l'œuvre originale. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça indispensable, voilà, qu'il y ait la présence de cette pièce emblématique de ce répertoire, même lorsque je joue sans orchestre. Eh bien, voici un extrait. Thank you. Maxime Zecchini, seul au piano, la seule main gauche et avec la partie d'orchestre de ce concerto pour la main gauche donc de Maurice Ravel, initialement écrit pour Paul Wittgenstein, qui était le frère du philosophe Ludwig Wittgenstein, que je vous propose d'entendre dans une archive du 11 janvier 1949. La radiodiffusion française vous présente un concert de soliste donné par Paul Wittgenstein, pianiste, mutilé de la guerre 14-18, privé de son bras droit. Paul Wittgenstein interprète d'abord une œuvre originale écrite pour la main gauche de Max Reger, Prélude et Fugue. Paul Wittgenstein, quand vous l'écoutez, Maxime Zecchini, vous écoutez un musicien ou quelqu'un qui, comme ça, dépasse son handicap ? Alors, j'écoute d'abord un musicien, bien sûr, et après, j'écoute la personne grâce à qui voilà, le répertoire pour la main gauche s'est considérablement enrichi. Et donc, j'entends aussi la personne qui a fait preuve d'un grand courage, d'une obstination, d'une détermination, et qui me permet aujourd'hui notamment d'interpréter beaucoup d'œuvres qui ont été conçues grâce à lui. Donc, c'est un personnage que je trouve très emblématique, très, voilà, de la notion de détermination. Et c'est absolument formidable tout ce qu'il a fait, parce qu'à l'époque, il faut penser que voilà, de sortir de la guerre et prendre la décision de continuer quand même sa carrière avec la main droite en moins, c'était vraiment un challenge qui paraissait impossible. Et voilà, il a su le relever, puisque je crois qu'il est mort dans les années 60 en ayant pu continuer une carrière de concert voilà, pour toutes les décennies suivantes grâce à son courage. Ça veut dire quand même qu'on écoute encore le courage comme si ça dépassait la seule musique. Il y a un autre exemple tout à fait contemporain, Nicolas McCarthy, qui est un pianiste qui est né sans bras droit et qui donne des TED, et voici par exemple ce qu'il dit. Last year for me was one of the best years of my life. I graduated from the Royal College of Music. And on my graduation day, my teacher called me and said, Nick, do you know you've now made history in being the only one-handed pianist in 130 years to graduate? Well, I didn't think that at all. I don't wander the corridors of the Royal College chanting, I'm making history. But of course, it did make my graduation day that bit special. 2 weeks after that, I was then performing at the 2012 Paralympic closing ceremony with the Para Orchestra alongside Coldplay. It's not every day a classical pianist gets to play to 86,000 people in a huge stadium. Makes this feel quite cosy, actually. It's like a front room. So I'm going to leave you today with my motto, which I've kind of abided by all my life. Anything is possible. And if you're determined and focused, you will achieve your goals. On entend bien dans les propos de Nicolas McCarthy que voilà, quand on veut faire une carrière de pianiste, quand on n'a qu'un bras, c'est possible, mais cette carrière devient potentiellement rien d'autre que l'histoire de ce dépassement. Ah oui, alors ça dépend comment on la présente. Je pense que, par exemple, dans mon cas, je veux faire découvrir le répertoire pour la main gauche pour sa qualité musicale. Parce que aussi j'ai la chance d'avoir mes deux mains et que je peux aussi jouer des œuvres pour les deux mains. Dans le cas de Nicolas McCarthy, qui n'a que sa main gauche, il est obligé, évidemment, il ne peut pas omettre le concept de détermination et de courage de sa propre histoire, parce que dès qu'il va parler, répondre à une interview, il va être obligé de parler des difficultés supplémentaires en tant que pianiste avec une seule main gauche qu'il a dû rencontrer par rapport aux pianistes qui ont leurs deux mains. Ça fait trop partie intégrante, je pense, de sa propre histoire pour qu'il arrive à l'omettre. Dans mon cas, moi, comme j'ai mes deux mains et qu'il m'arrive de jouer très souvent avec les deux mains également, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Ce que demande finalement Paul Wittgenstein à Maurice Ravel, c'est aussi de complexifier le langage pour la main gauche. Je vous ai apporté une des toutes premières leçons de la méthode Rose. Et on entend très bien comme il y a une espèce de discrimination des mains quand on commence à apprendre le piano. Eh bien, on fait juste Do et Sol avec la main gauche pendant qu'on en est déjà à 5 notes avec la main droite qui fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol. C'est parce que la main droite a tendance à prendre le dessus que la main gauche, à un moment donné, voudrait pouvoir s'émanciper de la droite. Alors en fait, ce qui se passe, c'est assez incroyable parce que, évidemment, quand on joue avec ses deux mains, la position au piano fait que la main droite va être avantagée parce qu'elle est plus dans les aigus. Donc voilà, elle va ressortir plus facilement pour jouer une mélodie, pour jouer un thème. Mais si on joue avec les mains séparément, eh bien, on s'aperçoit que la position des doigts de la main gauche fait que les doigts forts se trouvent à droite de la main et les doigts plus faibles à gauche de la main, ce qui fait qu'on peut beaucoup plus facilement jouer un morceau mélodique avec la main gauche, puisqu'on va timbrer plus fort avec les doigts forts de la main, le pouce et le deuxième doigt. Alors que si on fait la même chose avec la main droite, on sera obligé de timbrer davantage la mélodie avec le doigt numéro 4 et le doigt numéro 5, ce qui serait beaucoup plus inconfortable. Donc si vous jouez avec les deux mains, évidemment, la prédominance va être pour la main droite. Mais si vous jouez avec une seule main, ce sera beaucoup plus facile de jouer avec la main gauche et non pas avec la main droite, comme tout le monde aurait tendance à le penser, de par la position des doigts. Si le répertoire pour main gauche est si important, c'est aussi qu'il intègre du répertoire qui est initialement pour deux mains. Il y a un certain nombre de transcriptions. Paul Wittgenstein lui-même a transcrit de grandes pages romantiques pour la main gauche seule, comme par exemple Le rêve d'amour de Franz Liszt. Alors tout à fait, en fait, Wittgenstein aimait beaucoup la musique romantique et le fait qu'il effectuait sa carrière de pianiste au début du XXe siècle, c'était un répertoire beaucoup plus moderne que les compositeurs de l'époque écrivaient, et c'était des œuvres qui lui plaisaient un petit peu moins. Par exemple, il refusa de jouer le 4e concerto que Prokofiev lui écrivit pour la main gauche parce qu'il le trouvait trop moderne. Donc Wittgenstein était assez ennuyé de ça, et donc pensant qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même, il décida lui-même de faire quelques transcriptions des œuvres de musique romantique qu'il appréciait tout particulièrement, dont Le rêve d'amour de Liszt. Il y a aussi des romances sans paroles de Mendelssohn, des valses de Chopin, voilà, beaucoup de pièces de ce style qu'il appréciait bien plus que la musique moderne du début du XXe siècle. Et vous, vous avez travaillé sur ces transcriptions qui n'ont jamais été éditées. Comment est-ce que vous les êtes procurées ? Alors, j'étais en tournée en Chine et j'ai rencontré pendant un concert un collectionneur qui avait acheté aux enchères les manuscrits que la fille de Paul Wittgenstein mettait en vente. Voilà, je me rappelle que ce monsieur m'avait dit qu'il avait également acheté des manuscrits de Richard Strauss. Et que dans la même vente aux enchères, il y avait donc ces fameux manuscrits de Paul Wittgenstein que sa fille cédait. Et donc il a acheté le lot, il a acheté l'intégralité de toutes ces partitions. Et donc il me les a confiés, alors pas les originaux bien sûr, mais il m'a fait des photocopies, voilà, comme quand je lui ai parlé de mon projet d'anthologie. Donc j'ai dû travailler tous ces morceaux sur les manuscrits de Paul Wittgenstein, qui d'ailleurs écrivait très bien, très proprement, c'est très très lisible comme manuscrit, comme partition. Donc voilà, ce sont des enregistrements uniques. Et donc, voici votre version du rêve d'amour de Franz Liszt. C'est la seule qui existe au monde. Pour main gauche. Pour main gauche. Maxime Zecchini, dans un extrait de ce rêve d'amour de Franz Liszt que vous interprétez avec l'unique main gauche, avec la transcription faite par Paul Wittgenstein. Quand on transcrit pour la main gauche, est-ce qu'en plus d'essayer d'avoir toutes les notes alors qu'on n'a que 5 doigts, alors qu'on en avait 10 à la base, on fait attention dans la répartition des doigts aux accents ? Alors juste, voilà, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. En fait, avec une seule main, on doit contenir les deux mains. Donc, si je schématise, parce qu'évidemment c'est un petit peu plus subtil que ça, mais on va dire que ma main droite est contenue dans le pouce et le deuxième doigt, donc qui va jouer la mélodie, et que la main gauche, qui va jouer l'accompagnement, est contenue dans les doigts numéro 3, 4 et 5. C'est pour ça que la main gauche est formidable, c'est parce que comme il est toujours nécessaire de timbrer plus fort la mélodie, donc de jouer plus fort les notes de la mélodie, le pouce et le deuxième doigt sont des doigts très solides, voilà, qui sont bien musclés, et donc qui permettent ça. Et la main de l'accompagnement, lui qui doit toujours être joué de manière plus doux, plus délicat et moins fort, et donc lui est joué par les doigts numéro 3, 4 et 5, et donc ça tombe très bien pour la main gauche, puisqu'évidemment ce sont les doigts qui sont les moins solides. Donc c'est absolument formidable comme disposition de main par rapport donc à la main droite qui aurait évidemment qui serait tout l'inverse, et donc la problématique serait trop importante parce qu'on devrait donc jouer de manière très forte avec le doigt numéro 4 et 5, et là ce serait très très inconfortable vraiment. Donc là vous êtes vraiment dans la transposition d'une écriture qui est encore assez romantique ou conventionnelle, en tout cas qui répartit bien main gauche accompagnement, main droite mélodie. On peut imaginer des esthétiques un peu plus éclatées, des compositeurs qui n'auraient pas forcément cette bipartition de thèmes, accompagnement et donc main gauche, main droite. Qu'en est-il avec les compositeurs du 21e siècle par exemple? Alors ce qui est formidable avec la main gauche, et c'est ce que je veux démontrer à travers mon anthologie, c'est que on peut tout faire avec la main gauche et qu'on peut faire tous les styles musicaux, dont notamment la musique contemporaine d'aujourd'hui, puisque plusieurs compositeurs contemporains ont écrit pour la main gauche. C'est le cas par exemple de Benoît Menute qui m'a... Ah, mais ça, là c'est vous qui avez demandé, donc là, forcément. Il a eu la gentillesse de m'écrire une pièce spécialement pour moi. Mais il y a aussi Richard Dubugnon, Alain Louvier, Nicolas Bacri, Maurice Ohana, beaucoup de compositeurs. Bruno Mantovani, beaucoup de compositeurs ont écrit de manière très brillante pour la main gauche. J'ai été très heureux de les regrouper dans un des volumes de mon anthologie. Le septième. Ad Vitam Records. Exactement. Et il y a aussi une pièce de Jean Dubé, un compositeur japonais, Koei Kondo. Voilà, c'était pour montrer toutes les différentes esthétiques contemporaines avec lesquelles on pouvait s'exprimer avec la main gauche. On va écouter dans un moment la pièce que vous a écrite Benoît Menute, mais d'abord peut-être dire un mot de celle d'Alain Louvier, parce que lui, il n'écrit pas seulement pour la main gauche, il écrit aussi pour le bras gauche, on peut dire. Alors, en fait, Alain Louvier a écrit ce qu'on appelle une étude pour agresseur. Il en a écrit beaucoup pour les deux mains. Et en fait, le but est de démontrer qu'on peut jouer du piano de manière différente. Déjà, on peut jouer du piano de manière différente puisqu'on ne peut jouer qu'avec une seule main. Mais on peut aussi se servir de cette main de manière encore différente. Alain Louvier a écrit une étude pour laquelle on se sert de la main, mais aussi du coude, du bras, avec plusieurs modes de jeu différents, c'est-à-dire que certaines notes vont être jouées avec la paume de la main, certaines notes vont être jouées avec la main retournée. Voilà, c'est vraiment un jeu visuel qui est très intéressant, très, très novateur. Puisque de voir par exemple cette pièce interprétée en concert est un spectacle non seulement auditif mais aussi vraiment visuel. La musique classique et au-delà, c'est Métaclassique, avec David Christoffel. Quand on vous entend jouer Alain Louvier avec la seule main gauche, Maxime Zecchini, on entend que définitivement, le répertoire pour main gauche est un répertoire de revanche quand même sur la main droite, non ? Alors déjà, il faut savoir que là, ce qu'on a entendu, on ne s'en rend pas vraiment compte à l'audition, mais il y a des notes qui sont jouées avec les ongles, des notes qui sont jouées avec le coude, des notes qui sont jouées avec le poignet, la paume de la main. Voilà, c'est un morceau vraiment extraordinaire. Pour ça, vraiment à voir de manière visuelle très, très forte. Et c'est un répertoire qui inclut plusieurs concepts, et en fait les compositeurs qui ont écrit pour ce répertoire, voilà, l'ont fait de manière différente. Les motivations de chaque musicien, de chaque compositeur étaient différentes. Certains étaient dans une situation de revanche, d'autres de détermination, de courage, d'autres de challenge, d'autres de défi, de voilà, d'autres, c'est vraiment, ça dépend de l'époque et de la personne qui a écrit les pièces. Le message est différent à chaque fois. Quant à Benoît Menut, il vous a composé une pièce qui s'appelle Le guerrier combattant, donc on retrouve encore cette notion de combat. Alors Benoît Menut a eu la gentillesse de m'écrire cette étude formidable qui fait partie de ses études de statut. Et en fait, voilà, il partait du principe que un interprète devait lui apporter une statue, et ça l'inspirait pour créer son œuvre. Et donc moi, je lui ai apporté une statue d'un guerrier qui a la main gauche levée, voilà, prête à en découdre, prête à combattre. Et voilà, ça lui a inspiré donc la pièce Le guerrier combattant. Et voilà, il y a cette notion dans cette étude, voilà, de dépassement de soi, de se surpasser à travers un jeu très percussif. Et voilà, c'est une étude pleine de volonté et de détermination farouche. Thank you. Extrait du Guerrier combattant de Benoît Menut par La seule main gauche de Maxime Zecchini. Vous parliez de détermination farouche. Ça me donne envie de vous lire un nouvel extrait de Tu dois changer ta vie de Peter Sloterdijk. Comme Friedrich Nietzsche, Karl Hermann Hentan et Hans Wurtz, le fondateur des Jeux Olympiques, pensait aussi savoir qu'en dernière instance, c'est la volonté qui engendre le succès et la victoire. C'est la raison pour laquelle Coubertin ne cachait pas son aversion à l'égard du positivisme des médecins du sport, dont la pensée était trop ignare pour appréhender la dimension supérieure du sport en général et du nouveau mouvement en particulier. Ce que Pierre de Coubertin invoquait sous le nom d'olympisme ne devait pas signifier moins à ses yeux qu'une religion nouvelle à part entière. Il s'agirait alors d'une sorte de sacre de la volonté. Eh bien, on peut dire que le répertoire pour la main gauche permet de canaliser, de mettre toute l'énergie, toute la volonté, la détermination de ces combattants de la vie. Dans la musique, et c'est vrai que voilà, l'histoire a montré que plusieurs pianistes, hein, il n'y a pas que Paul Wittgenstein, c'est aussi important de le dire, qui ont rencontré des problèmes avec leur main droite, que ce soit lors des guerres, mais aussi des problèmes de santé ou des blessures. Je pense par exemple à Géza Zicky, un pianiste hongrois qui a perdu son bras droit lors d'une partie de chasse. Et bien voilà, lui aussi a fait preuve de volonté et de courage pour pouvoir continuer sa carrière. Et c'est vrai que le répertoire pour main gauche peut être un canalisateur d'une détermination humaine très forte. Et c'est en ça aussi que je trouve ce répertoire très beau, parce qu'il délivre aussi un message à travers lui. C'est le message que face à l'adversité, en fait, l'homme arrive toujours à trouver des solutions. C'est assez incroyable, mais parce que si on part du postulat de jouer du piano avec seulement une seule main, on a envie de rire, on a envie de dire « mais ce n'est pas possible ». Et en fait, l'histoire a prouvé le contraire. Et voilà, c'est un répertoire qui inclut des notions humaines très fortes également, en plus que musicales. Mais ce qui fait, c'est que si on prend certaines partitions estampillées tristes, pour ne pas dire quasiment accablées, elles trouveraient alors là une espèce de volontarisme qui, à la base, les regarde à peine. Eh bien, je trouve pas qu'il y ait de partition vraiment triste ou accablée. Je pense qu'il faut le prendre pour ce qu'il est, ce répertoire. L'étude 22 de Frédéric Chopin, par exemple. Ah oui, mais alors c'est une transcription d'une étude qui est triste à la base. Oui, c'est bien ce que je dis. Oui. Pour les deux mains. Et c'est vrai. Mais je dis qu'elle devient moins triste parce que justement, elle retrouve un combat, mais ce combat qui n'est pas forcément de son esthétique initiale. Ah oui, oui. Elle sera teintée d'une notion très positive, donc c'est vrai qu'elle peut en devenir tout à fait moins triste, puisqu'elle sera, voilà, elle sera teintée d'un espoir. En fait, le message de base, finalement, peut être modifié, peut être changé, du fait de la transcrire pour la seule main gauche. d'après l'opus 10 numéro 12 de Chopin, l'étude numéro 22 par Maxime Zecchini pour la seule main gauche du fait d'une transcription de Léopold Godowsky. Alors, Godowsky est vraiment un pianiste exceptionnel. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit la transcription du concerto de Ravel pour la main gauche, parce que aussi au départ, on peut penser que c'est impossible de transcrire une partie d'orchestre et une partie solo dans une seule main. Mais quand j'ai vu que Godowsky avait réussi à transcrire pour la main gauche toutes les études de Chopin et de manière vraiment exceptionnelle, je me suis dit que tout était possible. Je me suis dit que voilà, on pouvait transcrire toutes les pièces qui existaient musicalement, parce que le prodige qu'a fait Godowsky est vraiment paraît sans limite. C'est vraiment exceptionnel. Et donc, il m'a beaucoup inspiré. C'est un pianiste qui m'a beaucoup inspiré dans mon travail. Et vraiment, un grand chapeau à lui pour ses transcriptions des études de Chopin. C'est absolument merveilleux et c'est vraiment à écouter d'urgence. Il y a quelques pianistes qui les ont enregistrés. Moi, j'en ai enregistré donc moi-même quelques-unes, bien sûr. Mais Marc-André Hamelin, un pianiste canadien, les a toutes enregistrées. C'est vraiment exceptionnel à écouter. Est-ce qu'on peut peut-être dire un mot de Prokofiev, puisque vous disiez que le concerto numéro 4 qu'il avait écrit à l'intention de Wittgenstein avait déçu Wittgenstein, est-ce au point que Wittgenstein ne l'a pas joué? Oui, eh ben, tout à fait, Wittgenstein ne l'a pas joué. Il a été créé bien plus tard par un autre pianiste, Siegfried Rapp. Et voilà, c'est un concerto qui est très moderne, qui sonne très moderne, qui commence et qui termine de manière surprenante, puisqu'il commence avec un mouvement très énergique, très rapide. On est tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, les sonorités sont étranges. Voilà, il est peu aisé de trouver des mélodies auxquelles se raccrocher. Voilà, c'est un concerto qui peut faire preuve un petit peu de... comme une expérimentation un petit peu. Alors je sais que Prokofiev avait finalement, suite au refus de Wittgenstein, avait décidé d'en faire une version pour les deux mains, voilà, pour le proposer à d'autres pianistes de l'époque. Et il a commencé, mais il n'est pas allé plus loin finalement. Voilà, c'est un concerto qui est très beau, qui a vraiment une énergie propre, qui est très originale dans son rendu sonore, mais qui n'a pas intéressé Wittgenstein, voilà, de par sa modernité. Vivace finale du concerto numéro 4 pour la main gauche de Prokofiev. Maxime Zecchini, vous jouez de la main gauche avec l'orchestre philharmonique du Cap. Quand on joue avec orchestre, c'est plus difficile de se priver de la main droite ? Alors, quand on joue avec orchestre, ce qui est surtout difficile, c'est que quand on fait un disque, c'est qu'on a très peu le droit de faire des erreurs, des fausses notes, parce qu'on peut très peu se reprendre, parce que les erreurs viennent plus souvent de la mise en place de l'orchestre ou des musiciens de l'orchestre qui voilà, qui à un moment un petit solo qui va être un petit peu moins juste de la part des bois, une petite erreur voilà, dans les vents, et du coup on doit refaire la prise, ce qui fait que le pianiste qui est censé connaître très bien sa partition, voilà, est un petit peu condamné à jouer de manière très propre et très nette tout le temps, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de reprendre spécialement pour lui. Vous avez joué d'autres pièces avec ensemble ou avec d'autres musiciens. Je pense par exemple aux Diversions pour main gauche de Britten. Ah oui, c'est un morceau formidable, c'est très beau. Et alors, par rapport au Prokofiev, par exemple, qu'on évoquait, qui plaisait pas à Wittgenstein, notamment à cause de sa fin, puisque vous avez pu entendre que la fin termine de manière très piano, voilà, très délicate. Voilà, Wittgenstein, lui, préférait les morceaux pour le public, qui terminaient de manière virtuose et très forte, voilà, de manière brillante. Et trouvait ça plus spectaculaire. Et bien le Britten, lui, correspondait très bien au cahier des charges qu'avait demandé Wittgenstein au compositeur. Voilà, c'était une pièce brillante, virtuose, beaucoup de très belles mélodies, de très beaux thèmes, ce sont des variations. Voilà, ça finit de manière très héroïque. Et voilà, c'est une pièce qui, pour moi, est vraiment sous-exploitée, parce que c'est une pièce qui démontre des couleurs orchestrales très riches, très foisonnantes, une partie de piano merveilleuse, et vraiment un dialogue entre le soliste et l'orchestre remarquablement bien fait. C'était donc le final Tarentelle, la 11e des variations des diversions pour main gauche de Benjamin Britten. Pour terminer, Maxime Zecchini, vous en êtes au 8e volume de cette anthologie qui en comptera 10, plus un DVD d'ici quelques temps. Pour ce qui est du dernier volume en cours, il s'agit d'œuvres avec d'autres musiciens, pas tout un orchestre, mais quand même, avec notamment une suite pour deux violons, violoncelle et piano main gauche, qui est l'opus 22. 3 de Erich Wolfgang Korngold. Alors j'ai enregistré cette pièce avec des membres du Quatuor Ellipse, qui sont des membres de l'Orchestre National de France. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'être très très bien accompagné. Et cette pièce, donc cette suite de Korngold, très belle, voilà, très très dans un style tout proche de Richard Strauss, voilà, qui est très mélodique, très harmonieux, avec des harmonies très riches aussi, beaucoup de couleurs différentes. Et voilà, c'est une pièce aussi que j'aime beaucoup interpréter, que je trouve qu'elle mérite aussi plus d'intérêt que ce qu'elle a, parce que voilà, il y a beaucoup de qualité musicale immense dans cette pièce que je suis très heureux de faire connaître ou redécouvrir, voilà, à ceux qui connaîtront déjà. Mais voilà, une pièce à connaître, voilà, très variée, très dans un style viennois. Juste pour terminer, dire que la main droite ne cherche pas à se venger de la revanche, puisque le répertoire pour main droite seule, lui, est très limité. Alors, en fait, il y a à peu près, officiellement, il y a à peu près 600 œuvres pour la main gauche et à peu près une dizaine pour la main droite. Et en fait, c'est tout simplement dû, je pense, à la disposition des doigts, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que jouer que de la main droite signifierait que on devrait jouer très fort avec le cinquième et le quatrième doigt pour jouer les mélodies. Et c'est trop inconfortable. Et je pense que, souvent je me suis fait la réflexion, je pense que de jouer avec une pièce pour la main gauche à la main droite, je pense qu'au bout d'une page ou deux, on serait tellement fatigué, on se ferait des courbatures musculaires très fortes, très rapidement. Je pense que c'est pratiquement impossible. Comment ça se fait que vous êtes si peu dans le monde à défendre ce répertoire? Il y en a quelques-uns, hein, à l'étranger, il n'y en a pas d'autres en France que vous, mais... Alors, on est vraiment, sur toute la planète, on est vraiment à peine 5 ou 6, je ne sais pas, voilà, c'est très, très étrange. Pour moi, je ne me suis toujours pas expliqué cela, mais écoutez, voilà, moi je le fais avec passion pour faire découvrir ce répertoire. J'ai la chance d'être soutenu par mon label Ad Vitam Records dans cette aventure. Voilà, c'est comme une mission pour moi de faire connaître ces œuvres voilà, tout ce pan de la littérature pianistique qui n'était pas assez pour moi mis en avant. Et voilà, alors dans mon cas, évidemment, je suis très heureux qu'on soit si peu dans le monde. Ça vous fait moins de concurrence. Ça me fait moins de concurrence, donc pour moi, c'est absolument formidable. Mais j'ai pas de raison pour laquelle ce répertoire n'a pas voilà, suscité davantage d'enregistrements. Voilà, mais écoutez, moi je profite de cette place qui est laissée, voilà, pour l'occuper avec plaisir. Votre main droite ne vous en veut pas de l'avoir laissée de côté dans votre gloire? Alors pas du tout, parce que quand même, très souvent, soit on me demande des récitals pour main gauche seule, mais on me demande aussi des récitals où je vais mélanger les œuvres pour la main gauche et les œuvres pour les deux mains. Donc je fais moitié-moitié par exemple pendant le concert. Donc voilà, il n'y a pas de jalouse. Il y a un profil particulier des gens qui organisent des récitals, qui vous demandent spécifiquement des concerts pour main gauche? Ça va pas de soi partout? Alors, je pense que le profil, ça va être la curiosité, voilà, de proposer quelque chose de différent, quelque chose d'unique. Voilà, c'est, je pense, voilà, ça part de la volonté de montrer le piano autrement. Et c'est vrai que les pianistes dans le monde, on est tellement nombreux déjà. On joue beaucoup les mêmes œuvres, les mêmes répertoires, et les programmateurs de concerts sont heureux qu'on leur propose des choses différentes. Et voilà, je pense que voilà, ça part de là, de cette envie de montrer autre chose. Merci beaucoup, Maxime. Merci Dikémy. À vous, David. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions de Métaclassique sur le site métaclassique.com.